Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop, aujourd'hui la réédition en DVD d'un chef-d'œuvre du cinéma français. Des jumelles de 25 ans, Delphine et Solange, sont belles et intelligentes. Delphine, blonde, donne des leçons de danse et Solange, la rousse, du cours de solfège. Elles vivent dans la musique comme d'autres vivent dans la lune et rêvent de rencontrer le grand amour. Nous sommes des sœurs jumelles, nées sous le signe des gémeaux. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do. Toutes deux demoiselles, ayant eu des amants très tôt. Mi fa sol la mi ré, ré mi fa sol sol sol ré do. Nous voyageons de ville en ville, du Val de Loire au bord du Rhin. On nous appelle les forains, la route est notre domicile. Quoi ? Bah oui, c'est normal puisqu'on vous aime. C'est pour ça que vous voulez nous emmener à Paris ? On prendra le train. Haha. J'avais deux jours de permission à récupérer. Je vais à Nantes, voir ma famille. Je vais en permanente. En permanente ? L'astuce est consternante. Quel est ce plaisantin ? C'est un peintre poète. Il est en garnison, il dessine des têtes. Est-ce celui qui m'aime ? Tu sais bien que je sais pourquoi me contredis. Tu ne sauras jamais pourquoi j'aime sourire, rire, rire, rire. Tu ne sauras jamais pourquoi j'aime danser, pourquoi j'aime passer mon temps à... Les Demoiselles de Rochefort, le chef-d'œuvre de Jacques Demy avec Catherine Deneuve, Françoise d'Orléac et Georges Chakiris, les musiques de Michel Legrand, un DVD Arte.